Excusez-moi. Excusez-moi. Bonsoir. C'est Monica. Je suis sortie du palais en courant, sans prendre le temps de me changer, quand j'ai appris ce qui se passait. La cérémonie n'est pas finie. Je voudrais attribuer un dernier prix ce soir, car tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que vous avez entendu depuis 2 mois, n'aurait jamais eu lieu sans la générosité, la disponibilité et l'ingéniosité d'une seule personne. Le RBC Award de la meilleure directrice des programmes est attribué à Ophélie Soulard pour Radio Bonco. Merci patronne, merci patronne, merci patronne, merci patronne, merci patronne, allez! Merci patronne, merci patronne, merci patronne, merci patronne, merci patronne, merci patronne. Hi Ophélie, it's Tom York. Just wanted to tell you I'm a huge fan of Radio Boncon and also ta gueule. Ma chère Ophélie, il est bien loin ce temps de la 4ème 6, année. Nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé à créer cette relation qui est encore vivante aujourd'hui, cette relation remplie d'amitié. On est passé par beaucoup de chemins, que ce soit la nouvelle star, petite dédicace à Benjamin Sixou et Amandine Bourgeois, et puis après High School Musical où tu étais Troy et j'étais Chad. Et puis plein d'autres choses comme ça, mais je me rappelle pas là tout de suite maintenant, parce qu'en fait je suis en balade dans les Cévennes et que je suis un peu rush pour vous enregistrer un message, mais comme c'est ma pause lunch, j'en profite pour vous dire, parce que j'ai pas trouvé le temps. Je suis pas méchant, c'est pas vrai. En tout cas, je voulais vous remercier pour la radio des Boncons. Vous avez créé un bébé incroyable. Il est là, le petit qu'on attend depuis longtemps. Et il est beau, c'est un beau bébé. Et il a rendu les gens heureux. Et il a fait du bien à tout le monde. Et personnellement, il m'a fait beaucoup de bien. Parce que je suis nul au téléphone, ça me fait peur. Et du coup, j'ose pas appeler les copains. Et du coup, avoir des nouvelles des copains grâce à vous, bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je voulais vraiment vous dire du plus profond de mon cœur un gros merci. Et vivement le festival de la radio des Boncons, qu'on puisse tous se voir et faire la fête. Je vous aime très fort, vous ainsi que tous les autres Boncons qui nous écoutent. Et je pense fort à vous. Et vivement que je rentre vous faire des gros câlins quand on pourra se faire des câlins. Parce que là, ça a l'air chaud. Mais je suis pas sûr. Oui, Ophélard, c'était pour te dire un énorme bravo pour la radio des Boncons. Bravo pour l'avoir créée, pour avoir motivé les gens à faire plein de trucs et surtout pour avoir réussi à faire vivre tout ça pendant 2 mois. Bravo. Je te fais des gros bisous et je te laisse avec un message d'un personnage un peu chelou. Bzzz. Merci donc. Chères auditrices, auditeurs et boncons, je me présente. Je suis Kogoro Mori, le célèbre détective de renommée internationale. Vous avez sans doute déjà entendu parler de moi dans l'animé injustement nommé Détective Conan. Tout le monde sait que c'est moi la star du programme. Je m'adresse à travers ce message à la directrice de la radio, Madame Soulard. Ma très chère Ophélie, je tenais sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous avez provoqué en créant la radio des Boncons, il y a de ça maintenant 2 mois. Voyez-vous, j'ai été en confinement avec ma fille Ran et cet enfant totalement insupportable prénommé Conan. Il m'a donc été difficile de garder un moral toujours au beau fixe. Mais la qualité de vos programmes m'ont permis de garder le sourire. Ainsi, moi, Kogoro Mori, vous dis merci. Et s'il était également possible d'avoir votre numéro de téléphone, je ne dirais pas non. Miss Toto. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci. Tu as très clairement embelli cette période ultra particulière. T'as été la meilleure directrice des programmes, mais la plus moche. Bisous, ma douce. Chère Ophélie, chère directrice. Vous avez vu, cette idée super chouette de créer cette radio. Grâce à vous, on s'est pas ennuyé pendant ce confinement. Même mieux, on s'est amusé. Alors pour vous remercier, je vous dédicace cette courte chanson que vous allez sûrement reconnaître. En souvenir de nos douces vacances de l'autre côté de la Manche. Ils font la radio, une voix comme un peu aiguë se rapproche, je comprends pas, je suis confus. Cette voix c'est une fille, mais c'est pas Béatrice Dalle. Cette force tranquille, elle me remonte le moral. Je regarde l'heure, 18h, le bon confinement. Et disons-le franchement, chère directrice, qui se presse sur les ondes, sa douce voix nous laisse pantois et nous fait bien marrer. Et si un jour on est confiné, aucun doute sur elle, Ophélie, on pourra s'appuyer. Bon, t'as compris le message. Le cœur y est, mais pas le rythme. Bisous. Alors attends, c'est pas fini, parce qu'en fait, je voulais finir avec un bruit de bisous trouvé sur YouTube, et tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est des vidéos d'ASMR avec des filles trop maquillées qui font des bruits avec leur bouche, et j'ai trouvé ça super angoissant en fait. Et du coup, à force de parcourir mes recherches YouTube, bah, je suis tombé là-dessus, et je me disais que ça pourrait être rigolo de finir là-dessus. Allez, salut. Zidane a récupéré avec vous, pour Wiltord, pour Zinedine Zidane, et Zidane. El Magnifico, au bout, est marqué. Au bout. Mondou Ophélie Soulard, Madame la directrice des programmes, comme on aime à vous appeler par chez nous. J'espère que vous vous rendez compte d'à quel point vous êtes exceptionnel. Par la seule force de votre volonté, vous avez créé une radio et vous avez su soulever une armée entière de bons cons, alors que d'habitude on galère pendant 3 heures pour savoir où on va manger, putain. C'est un des plus grands exploits qu'il m'ait été donné de voir. Merci de nous avoir fait rire, de nous avoir émus, de nous avoir rassemblés, de nous avoir surpris avec toujours plus d'idées de ouf. Vous m'épatez tellement, quoi. Et je suis si fière d'être votre amie. Trop hâte de vous revoir pour célébrer cette réussite en twerkant à qui mieux mieux. À très bientôt, douceur. PS, l'oiseau pince. Do you know what? I've never been prouder to be in anything. I always knew it was going to be a triumph. George R. Martin meets Chris Martin. Meets Ophélie Martin. What could go wrong? Game of what now? Still going strong. You're still going strong. Yeah, yeah. You're still going strong. Remember COVID, it was a lot of fun. So we couldn't go out and out to see no one. Oh no. Radio Boncon was a part of our life. And it was the best idea you ever had. Keep in contact. What's cool, you say? So cool. So we met Chronicles and got drunk in our beds. You decided to do some live interviews to cheer up everyone and give us news. Give us news! Baby, you know you are the best director. Because of you, we are standing together. Some people would have just given up, but not you. Not you! Not you! You're still going strong. You're still going strong. Un, et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Oh non. Ce qui a pour lieu, parmi la mer en nom de Dieu, 1442, histoire d'amour et de désir. Les artistes. bien anonyme, de la sculpture ou de la marine. Tentons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu un temps de thank you. my baby. Oh, oh, oh, oh. Ophélie Souko. Oh, oh, oh, oh. Ophélie Souko, est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce qu'il marche le micro? Branche-moi, je suis là. Eh oh, oh, oh. Ophélie Souko, s'il te plaît, réponds-moi. Eh oh, à vous suffira. Eh oh, est-ce que tu le reçois? Eh oh, oh, oh, Ophélie Souko. Ça fait longtemps qu'en bas dans le Discord, j'appelle vainement, mais personne ne répond. Fais juste un signe, montrer que t'es là. Ophélie, oh, oh, oh, déjà 2 heures, c'est l'heure de la fêter. Je crie bon con, mais personne ne m'entend. La perte suffira pas, un mal de tête. Oh, Julien, tu n'es pas là. Oh, Ophélie Souko, est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce qu'il marche le micro? Franchement, je suis là. Eh oh, oh, oh, oh, Ophélie Souko, s'il te plaît, réponds-moi. Eh oh, un oups suffira. Eh oh, est-ce que tu le reçois? Eh oh, oh, oh, Ophélie Souko. Coucou, c'est Nadia. Est-ce que quelqu'un me voit? J'suis dans l'onglet rêve, y'a personne, j'comprends pas. On est là, Nadia. Les bons cons sont là. On est dans ton rêve, mais tu ne te réveilles pas. Est-ce que tu m'entends? Que tu me sens, un geste suffira, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu m'aperçois? Car on fait un ou si je fais les 100 pas. Est-ce que tu le crois? Dis-le-moi. Ophélie Souko, est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que marche le micro? Eh oh, suis là. Eh oh, oh, oh, Ophélie Souko, s'il te plaît, réponds-moi. Eh oh, un ouf suffira. Eh oh, est-ce que tu reçois? Eh oh, oh, oh, Ophélie Souko, la chose que j'attends, c'est juste que tu descendes dans l'onglet du Discord. Je commence à perdre patience. J'ai appris que tu aimais ça, faire languir les bons cons comme ça. Et celui qui s'acharnera, ce sera lui que tu bâcheras. Est-ce que tu m'entends? Oh, oh, oh. Tu m'entends, Ophélie Souko? Est-ce que tu m'entends, Ophélie Souko? Regarde, par oh, Ophélie Souko! Ophélie Souko! Oh, Ophélie! Est-ce que tu nous entends? Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh, oh. Yeah. have inside of me. Bonnes gens, oyez, oyez, bonnes gens, oyez, oyez, bonnes gens, je vais vous conter l'histoire. De souk, de souk. Il y a une fois une princesse nommée Ophélie Souko. Elle est amoureuse du seigneur Maï, a.k.a. chevalier Martichon. Un jour, sa tante, seigneur Anne, épouse de Douglas Scott Janison, l'ont invité dans le comté de Nice. La princesse Ophélie Souko savait très bien que c'était à 10 lieues de Carpentras, la comté du seigneur Martichon. Elle se dit, pourquoi ne pas faire un détour vers la boulangerie Maé, au roi Soulard et la reine Soulard? Pourquoi ne pas faire un petit détour? Ils acceptèrent, d'ouf. Arrivée dans la comté de Carpentras, elle arriva dans la boulangerie du seigneur Maï, où trônait un Energy Music Award et une photo avec le seigneur Johnny Hallyday. Elle prit une pâtisserie Maï, ce qui l'empêtra dans un amour terrible envers Christophe Maï, le seigneur Christophe Maï. Et là, elle vit qui? Le frère de Christophe Maï. Je ne connais pas son prénom. Le seigneur Framaï. Allez! De là naquit son amour inconditionnel envers le seigneur Maï. Elle alla voir le roi Soleil en DVD 1 million de fois environ. Puis emmena la reine Josée en concert à la carrière, où elle l'engueula car elle avait mal pris une photo. Également au Zénith de Nantes, où elle n'a pas pu avoir de dédicace du seigneur Maï. Mais elle l'a vu quand même. 15 ans passèrent. La princesse Souko fut éperdument amoureuse du seigneur Maï, mais eut d'autres amants, tels que Miles Kane, Alex Turner, etc, etc. Mais jamais elle n'avait oublié le seigneur Maï. Elle en était vraiment éperdument amoureuse. Nous voilà en mars 2020. La princesse Souko alla voir le seigneur Maï faire un concert, car il était vraiment troubadour. Vu ses fringues, c'était pas étonnant. Allez! La princesse Souko était vraiment émerveillé. Quand il a commencé à faire son casting de troubadour, elle eut les larmes aux yeux. C'était vraiment lui que j'aimais, se dit-elle. Qu'importe Alex Turner, Miles Kane, etc, etc. Je m'en fous. Mon seul amour, c'est le vrai roi soleil, Christophe Maé. Et non, non, ce n'était pas Emmanuel Moir, c'était Christophe Maé. Durant une de ses chansons troubadouriennes, casting, elle courut devant la scène, ses yeux pétillants des larmes de son passé, tout son amour pour le seigneur Martichon. Elle courut, et enfin elle lui fit un eye contact. Elle lui dit « Hey, tu chantes trop bien !» Il lui répondit « Hey, merci !» Fin de ce conte, car la princesse Suko a trouvé bonheur auprès de Julien et son potager confiné. Et elle a gardé Christophe Partichon du fond de son cœur. Mais bon, en tant que belle demoiselle, elle a gardé... Un mec mortel. Un mec mortel. Et quand est-ce que tu nous fais un petit Julien ? Julien ? Quand est-ce que tu nous fais un petit ? Tant de blagues faciles dans vie puérile. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi? Prêt à n'importe quel oups pour nous faire sourire. Directrice des programmes, parce qu'on est confinés. On écoute la radio. C'est un point conf avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais s'il y a un point pété. Tu prends de nos nouvelles avec ta belle voix. Grâce à toi, on reste ensemble. Confiné à Agen, tu es pourtant là pour partager ta joie. Parce qu'on est confiné. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Pour écouter Point Conf avec Ophélie Souko. Avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. Et alors on fait des chroniques pour nous aussi t'amuser. On fait des oups dégueulasses et on écoute Christophe Maé. Parce qu'on est confiné. Parce qu'on est confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Si on est confiné, au moins il y a Ophélie Souko. Parce qu'on est confiné. Confiné. On écoute la radio. On écoute la radio. Si on est avec Ophélie Souko. C'est un point con. Parce qu'on est confiné. On avec la radio. Avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. Si y'a un point pété. On est avec Ophélie Souko. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. On écoute, on écoute, on écoute la radio. Merci Ophélie Souko. Parce qu'on parce qu'on sait jamais. On écoute la radio. On écoute la radio et on reste connecté. Merci Ophélie Souko. Bonsoir. Bonsoir à toi, à toi, à toi. Mais surtout, bonsoir à tous. Ce soir, les enfants, il est temps de revenir sur le personnage phare de cette incroyable épopée de la radio des Boncons. J'ai bien sûr nommé notre douce directrice des programmes, Ophélie Soulard. Ophélard Souli, Osouli, Souli, Souk, Souko, Soukoline, Monsieur Soukoline. Car croyez-le ou non, tout prédestinait notre Souk nationale à devenir la meilleure directrice des programmes que le monde ait vu. Si jeune déjà, elle aimait attirer l'attention de tous en oupsant à tout va leur plus belle comptine d'enfants. Voyez plutôt. C'est donc très naturellement qu'en ces temps de troubles, alors que la France se prépare à un confinement national, Ophélie Soulard accouche. Après des heures de travail, une détermination sans faille, à la sueur de son front, au sang de ses veines, elle accouche d'un beau bébé, une magnifique idée, Charlotte. Mais non, reculez. Elle accouche, bien sûr, de la radio des Bourgons. Je me sens seule dans ce confinement. Tous mes amis sont loin de moi. Et le chômage me laisse du temps. Alors je monte une web radio. Je passe du temps à faire des lives. Je suis au chômage, mais je travaille. Je fais des jingles. Je fais du montage, des fois il y a quelques loupages. On fait de la pub pour cette connerie. Ils sont à fond, tous mes amis. 400 abos, c'est vraiment ouf pour l'occasion. On fait des oups, ils m'ont élevé au rang de reine. Quand j'ai créé une radio, radio. Tout ce qu'on veut, c'est radio bonbon, radio bonbon, radio concon. Tout ce qu'on écoute, c'est radio bonbon, radio oups oups, radio bonbon, radio. On t'aimera toujours. Récoltant au passage 6 points de charisme, 7 points d'organisation, et s'inscrivant directement au panthéon des meilleures directrices des programmes, elle retourne sur son passage les cœurs de tous, donnant au bon con une raison de plus de l'aimer, si tant est qu'elle en ait eu besoin. La voix d'Ophélie Soulard incarne désormais la voix de la liberté sous toutes ses formes. Cette voix qui reliera tous les bons cons pendant 2 mois, soudainement éparpillés aux 4 coins du monde, sans espoir de retrouvailles prochaines. Les ondes de Radio Bon Con allaient tisser entre eux un nouveau lien indéfectible, redonnant à tous la foi d'exister. J'étais assise dans mon appart, Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais pas comment on allait faire pour rester de moi sans se voir. J'ai regardé la combe des bons coins et là, j'ai vu la lumière. Et j'y ai baigné mon âme. La radio des bons cons, comme des bons cons professionnels, on est à la masse. Il nous a fallu du temps pour pouvoir être efficace. On voulait pas accepter, pas être dans le même espace. Oh, on a eu si souvent envie de se mettre une race. J'en peux plus de cette atmosphère. J'en ai assez, cette maladie, elle est dans l'air. Souk a exaucé mes prières. Je veux bosser, je vais me battre pour la rendre fière. Souk m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur la radio qui guide mes pas. Souk m'a donné la foi, c'est mon nirvana. J'ai dans le cœur la radio qui guide mes pas. Quelque peu gênée par ce nouveau statut de directrice, Ophélie Soulard tentera de nier l'évidence. Malheureusement, ou heureusement pour elle, les bons cons sont tous d'accord. Elle est officiellement notre maître à tous, notre chef en slip, notre directrice des programmes. À l'unisson, les chœurs des bons cons chantent ces mêmes mélodies. La directrice. Je le sais, sa façon de oupser parfois vous déplaît. Vous ne savez pas quand le poids qu'on veut se fait. Mais elle est ma directrice à moi. Oui, je sais, on manque de professionnalisme, c'est dictatrice, c'est notre directrice. Et quand elle est en direct à 2h du mat, je connais sa pétence. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Personne croyait à cette radio, mais Souko, c'est notre directrice à nous. Après 2 mois de point confinement, le point confinement, le point confinement, le point confinement, presque tous les jours sur la radio des bons cons, de point pété. Le point pété. Le point pété. De chronique santé de Tata Lolo. C'est la chronique santé de Tata Lolo. Ophélie Soulard assume enfin pleinement son rôle de directrice. Mais voyant le confinement arriver à son terme, elle entre dans un déni complet. Enchaînant les points des confinements, elle ferme les yeux sur la fin de cette belle période où chanter faux était devenu l'activité favorite de tous et où la créativité de chacun était à son paroxysme. Mais ne t'en fais pas, Ophélie. On t'aimera toujours, avec ou sans ta particule de directrice. Notre amour est exponentiel. Et nos remerciements ne suffiront jamais à t'exprimer notre gratitude. Reviens-nous vite qu'on puisse écrire un nouveau chapitre au livre d'or des bons cons. Et puis tu sais, tant qu'on rêve encore. Oui. est une fois. C'est comme ça qu'une histoire commence. Elle a tout son mémoire, un reste au fond de soi, d'enfance. On part pour la vie, sans la choisir, vraiment. Could you lend me a glove? 'Cause I've only got one. I miss my freedom like you miss the sun. Are you thinking about outside? Such an underrated place. I was a traveler. I was also in Bath. around the world, my heart wish to roam. Now I'm looking for something a little further from home. Further from home, further from home. A giant party with some rules of our own. Further from home, further from home. Leaving this confinement and run alone. Hello les bons cons, c'est parti pour le dernier jeu sur les expressions de la radio des bons cons. Pour le final, j'ai choisi des expressions en rapport à la radio et plus précisément au thème de l'amour, puisque c'est le mot qui représente le plus ce que vous êtes, avec l'humour et la bienveillance. Donc, comme d'habitude, quatre expressions de la langue française, il y en a une de fausse, à vous de trouver laquelle. Première expression, déclarer sa flamme, signification, déclarer son amour. Origine, en effet, et selon le dictionnaire du XVIIe siècle, le terme flamme, comme les feux, est employé au sens figuré pour désigner la passion amoureuse qui est ressentie comme une brûlure aussi ardente que celle d'un feu. Sur la radio des bons cons, c'était carrément une explosion de déclarations, en particulier les 5, 10, 12 et 15 avril, et évidemment le 13 mai dernier. Deuxième expression, vivre d'amour et d'eau fraîche. Signification, se contenter des sentiments et ne pas se préoccuper des nécessités matérielles. Origine, expression française le plus souvent rencontrée à la forme négative. Les nouveaux amoureux la jugent vraie, mais uniquement dans leur imagination, car leur réel les rappellerait aussitôt à l'ordre. Vivre d'amour et d'eau fraîche est utilisé principalement par la morale financière bourgeoise pour décourager les projets sentimentaux qui s'opposent à leur mode de pensée et à leur société capitaliste. On parle souvent des artistes qui, souvent précaires, sont tenus de vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, cher bon con, je pense que vous vivez d'amour et d'eau fraîche, et c'est ça que l'on aime chez vous. Viva la revolution! Eh mais en fait, l'espagnol aussi, c'est facile. Troisième expression, avoir des poignées d'amour. Signification, avoir des plis de graisse situés au niveau de la taille. Origine. Les poignées d'amour se définissent par un amas de graisse déposé sur le muscle abdominal oblique externe, juste au-dessus des hanches. Composé de poignées et de amour, par plaisanterie, cette expression sert à indiquer qu'un amoureux ou une amoureuse peut prendre ou tenir la personne à cet endroit pour exprimer son affection. Alors clairement, moi, pendant ce confinement, je me suis fabriqué de belles poignées d'amour tous les jours en écoutant cette merveilleuse radio. Mes muscles abdominaux obliques externes vous remercient chaleureusement. Et dernière expression, faire une souco. Signification, trouver un moyen drôle et ambitieux pour garder les gens qu'on aime près de soi, mais à distance. Origine, on pourrait croire que cette expression ne date pas d'hier. Et pourtant, si. C'est au début du XXIe siècle, en France, pendant le confinement lié à la pandémie du Covid-19, qu'une femme, Ophélie Soulard, fait le pari fou de lancer sa propre radio, avec l'aide d'une armée de bons cons. Et oui, rappelez-vous, nous étions en guerre. Dès lors, et pendant 2 mois entiers, c'est un torrent d'amour, de joie et d'émotion qui se déversa à travers les ondes grâce à Ophélie et à la radio des bons cons. C'est lors de la soirée d'adieu de la radio, le samedi 16 mai 2020, que les bons cons se mirent d'accord pour rendre hommage à celles sans qui ils auraient passé un confinement bien moins magique. Je répète les quatre expressions. Déclarer sa flamme, vivre d'amour et d'eau fraîche, avoir des poignées d'amour et faire une souco. Vous avez trouvé ? Je vous laisse encore quelques secondes. Et je vous ai bien eu. Il n'y en a aucune de fausse. Les quatre existent. J'ai déposé officiellement la dernière ce matin. Dès maintenant et pour les siècles à venir, Ophélie Soulard, dite Souco, restera dans l'histoire des expressions de la langue française. Merci à tous d'avoir participé et à bientôt, ou pas, pour de nouvelles expressions de la langue française. On est le monde. On est les bons. On est de joie, de chroniqueurs médiévales sur la zone. Nous avons fait le choix de rester en contact. La vraie raison qui nous devant, nous sommes à la vie. On est le monde. On est les bons. On est de joie, de chroniqueurs médiévales sur la zone. Parti. Je fais disco 3 heures par jour. Monsieur Vizu Gauze. Disco to disco. Elle est passée plein de fois sur Radio. C'est juste des gens qui enregistrent dans leur garage. Du coup, je pense qu'il y a moyen pour le coup. Il y a des paroles. From disco to disco. Okay, disco to run of the. La radio des bons. La radio des bons. Tu sais qu'il fallait le. Je vais voir. L'un de péter nous emmène vers d'autres cieux. Ce qu'il nous faut, c'est de péter. Ce père, commence pas avec ça. Faut qu'on soit pété. Mais je n'ai pas mangé. Faut qu'on soit pété. Je vais pas finir arraché. Faut qu'on soit pété. Péter n'est pas joué. Faut être pété pour le pouvoir péter, bébé. Et bien te mettre une pété. Les seuls moyens que je sois pété, bébé, c'est que tu me la mettes dans le pétou. Juste cette nuit, sois pété juste cette nuit. T'as moyen, on verra demain. Au nom des bons cons, cette nuit, au nom des bons cons. T'es-tu pas fou? Ce soir, je serai pas pétou. Non, laisse pas comme ça. On est samedi, tout le monde est en ligne. Oh bébé, nous laisse pas en plan. Tu n'y crois pas que les gens ont vu tasser de ces points pétés. Je suis sur Discord et je vois que ce n'est pas le cas. Non. Tant de gens seraient-ils connectés pour le point pété? Oui, ma douce, c'est ça. Ils sont tous là. Ils n'attendent plus que toi. La pété nous rassemble tous. Tais-toi, tais-toi. Même ceux qui ne boivent pas ont prévu de taille. La pété m'en fait agir comme un de jours de gueule de bois. Pour une seule raison, tu seras la reine de la pétance. Toi, t'as l'alcool mauvais. Non, c'est pas vrai. Et moi, je sais pas m'arrêter. On devrait péter. Je ne veux pas. On devrait péter. Juste cette soirée. Mais jamais. Rien ne va nous arrêter. On sera pété juste cette soirée. Reprenons la pété pour une bonne soirée. Soyons tous pétés pour une éternité. Soyons tous pétés. Je trouve. Voici le point.